Nan yon tan difisil nan la vi Sityasyon la vi a ta fè m soufri Mwen pa jan panse ke mwen te ka roule Go wò sa Men yon joun tande yon vwa ki din kò sa Se bon Diyè ki ka deplase go wò sa Mwen te fin pèdi, men Jezi te sove m, mwen leve mèm, epi m chante. Zanmi mwen ki chita kape ekoute, Fok ou gen asyranse ke wap sove Eksperyans mwen fe ak bon dje Kwe em souvle li va fel pou pou Pou pou Peche ou men pi nou a pase pou fon lome Men san bon dje ka lave ou pi blanke nej Ou pa bezwen kriye Ou pa bezwen rile Leve men ou e pi chante C'est pour prier bon Dieu, il va nous la vie et mon son manger Chacun nous l'effacer, il t'a délai à prier, il va jamais discriminer sous Non, ça n'attend pour nous changer, qu'est-ce nous, à genoux pour nous prier Papa non, en aller, nous vini ensemble pour nous louer Pas coûter Satan, le la essayé C'est pour vous, moi je vis bon Dieu, les moins tombés, vous toujours lever, vous toujours aimer, après tout péché, après tout péché, on nous louer bon Dieu. Louer bon Dieu, louer Jéhovah.